Mambélé. Tout le monde aime ça. Borani son soumambélé, soumambélé. Tout le monde adore ça. Je suis très fâché, chérie Lina. Mais qu'est-ce que c'est? Nous allons danser dans l'ambiance pour oublier souci, chérie Mina. We'll be right back. Come on.